بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين خاصة صاحب هذا الكتاب سيد الإمام صلاح الدين وجميع المحبين أما بعد جنا من سنتي على جل سنتي عليه الصلاة والسلام تجتاي بيويسو جنا بينو مالام تي جتاي بيجيتو بيج بيج بي بيكو جيتو دنيو جيسون تي والو نيغا خامتاني نيوم نوي غروب يلانتي صلى الله عليه وسلم تودون manam nga xamantene ñom ñoy wa ahlu diwan manam ak sen ni ñu tok moy mom lañuy wax ahlu daaira du ñen wax tamit rijalul ghaibi ah buñ waxe wa ahlu daaira ñom lañ ci jublu buñ waxe rijalul ghaibi ñom lañ ci jublu manam rijalul ghaibi na dañ leen koy wax ndax ay nit lañ ñoo xamantene mitu ay mystère lañ wala al ghaib manam le mystère wala le monde intelligible parce que ñom dañu bok ci aduna bok manam ay nit lañ ño xamantene parce que même buñuy déplacer wu di dem fenn ni wala yu mel non nit ñi duñ leen gis motax mën nañu ñew fi ni nek fi ni te nit ñi duñ leen gis bo la ko manam aduna bi manam ci seen soppandiko ci lay ci le mbir yi di dawe wa ci sen soppal ko ñom ñoy manam ñom ñoy administrateur yi c'est-à-dire que ñom ñoy gouvernement bi nga xamantene mom moy dawal mbir yi wala bok plutôt buñ waxe dañuy wax ñom ñoy assemblée bi manam assemblée nationale manam assemblée générale wala générale plutôt bo xamantene en assemblée bi nga xamne moy dawal manam mbir yi borom subhanahu wa ta'ala lepp lu muy dogal ci ñom la ko jaaral mais aussi amna yeneeni rôle yo xamantene lañuy jouer bok na ci rôle yi ñuy jouer aussi mom moy le fait que bu ay musiba wala ay problème naré dal nit ñi ba bu nit ñi bakkar yu metté ba mbugal war leena dal bu mbugal mu naré wacc du wacc directement ci mindi fi ñom dañu nek comme genre ba ki bi quoi ñi ba rek man ni nga xamantene ñom ñoy descendre nit ñi pour lolu bañ am voilà comme li alcorane wala la difa'un nas wala daf'un nas ci benen jangel ba'dhum li ba'd la fasadatul ard walakin allah du fadl ala al alamin manam buru won ni nit ñi yalla jagn gi mi jagn nit ñi manam défendre gi leen di défendre par rapport ak ñeneen ñi konantone souf ci lay yaq bu dul won ñeneen ñi day utiliser ñeneen ñi pour ñu défendre ñeneen ñi ci dess kon souf ci lay yaq lool nak wax joju ci le ci tafsir ayat bo masalan al imam al qurtubi rahimahullah indina ci ay fi hadith yo xamantene day wax ci walu ci wa ahlu diwan manam ci walu gogou nonu ci bimi sharh bimi tafsir ay bob kon manam ñoonu ay nit lañ kon ño xamantene ñom ñoy défendre manam nit ñi musiba bu naré dal ci khutbu bi lañ jëk dal manam bu ñëwé khutbu zawal rawsu bi manam mom moy jëk té affaire yi mom la jëk lepp ñi di dal légi mom fuko ti ba affaire bi nak légui metti 10 après ci lay dogu jël jox ñi ci téggu manam yeen khutbu yi voilà ainsi de suite manam groupe bi non lay def manam groupe bu nek bu affaire yi ñëwé da fay ñëw téyé lool mom motax souf ci yépp djurum ñaari ikhlima la manam moy ay région djurum ñaar lañ yo xamantene ñoom ñoy souf ci ñoom lañ non lañ départager souf ci et que région bu nek dafa am ben khutbu bu fa nek manam ko xamantene mom moy gérer li nga xamantene mom mo abdu ci walu région bobu bon mom moy l'homme fort fofu non moy kif ëpp doole ëpp katam gën fa deugël lool mom motax wa andu diwan malgré que gis nga 366 lañ wa voilà wala 356 ci benen compté boko compté nenen manam mais malgré lool kon ñom nombre le plus conséquent quand même mais malgré lolu le fait que ñu tassaro ci soufsi lolu mom motax ñuy nakare dajal parce que ci 7,2 milliards yi ñu nek wala lu ko tuti hein 356 personnes kessé lolu bari wuñu voilà c'est tout lool mom motax ñu naqare dajal c'est-à-dire que duñu dëkk ñoom ñëpp ci bénn place ñi lay dëkk fi ki dëkk né té dëkk fële kenen dëkk fënen et cetera voilà lool la donc ñoom ñoy ñoo ñu wa ahl diwan kon ñoom non lañu mais kon groupe yoy bu kenn ku ñek kon bu ñëwé manam bu dalé ci kenn ki affaire bi après mu jox ñett ñi bu ñëwé ba supporter ba affaire ki dañuy jox juroom yi ci dess juroom ñi nga xam moy groupe juroom yi ñooñu buñ démé ba supporter ba affaire bi ki ñu daal jallale jox ci groupe bu juroom ñaar ak nit ñi ñooñu après ñooñu buñ supporter ba par mu daal jall ñu daal jallale leneen li ci dess kess new manam ñu jallale ko ci ñi nga xamanteni ñoom ñoy groupe 40 personnes ñooñu tam buñ supporter li mëna supporter yépp après dañuy bayyi mu li ci dess jall hein ñu daal di supporter manam ñu daal koy jox groupe 300 personnes mais bu jugé ci ñooñu rek ci lay ñew ci ñu bax ni manam ñeneen ñi nga xam ni ay nitu yalla lañu jaar yu mag mais yeguñu degré manam nekkunu bokkuñu ci wa ahlul diwan manam nekkunu ci groupe bob ñoom nak ci lañuy recevoir ay méthode yi choono yi ak problème yi natt yi xat xat yi voilà et cetera natt yi pour dal natt yi dal musibe yi dal ci lañ koy recevoir téy ko légui nak fu gaay ko nek nak dañ lay natt solo li nga mëna atal manam yalla buy nat nit dakoy nat solo li nga xamantene mom nat bop war nako meuna atam legui bu fekkentene nat bobu ñew na après gaay ci dess acca ñu baye mi ci dess jall non lay deme ba ci bop koñ bi sax koñ bi musibo bi dara dal sax ka fa gëna bax manam ñoñu ñafata rek ñoñu ñom ñoy ci li ñom lay jëk dal manam lu way gëna bax rek nat bi ci ñom lay jëkke waaw natou bi fofu lay ndieké waaw hein natou bi mom beytan voilà fofu lay ndieké donc voilà bu yexé nak après lool motax yent bi na sallallahu alayhi wasallam ashadun nas ibtilaan al anbiya thumma al amsal fal amsal ni gëna tar nit ci nit ni ci gëna metilé ay natou moy yarante ay safam top lu nit di gëna mel nuro ak yarante rek di gëna metilé natou aussi mbir ni non lay dem léegi nak ba nga xamantene leg motax leg après nak gaay nga xam ba mu yexi sax après ci simple djulit ni après nak mu doga ñew nak ci yéféri nak a yéféri bu de nga mu doga ñew ci ñom voilà après non lay dem léegi nak lool c'est dans un cadre général voilà dans un cadre général mais lolu motax nat day woné manam nit ki niko yalla soppé manam niko yalla soppé lolou mom motax yalla képp ku mu sopp non lay def moy inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum yalla su soppé ay nit comme li hadith bi wax da len di nat parce que yalla buy xol minde fi da len di xolé manam bëggel gogo nak kum ko xolé da lay nat wala dalay tek ay nat wala yoy nak nat yoy nak boko matale legui nak mu dal lay tan de nga def la bolé la ci way tan yefa mi magi def la dara mais lool mom faw fof nga jaar moy jelal bi parce que dafa am fof mom dalay def legui fof la lay jaar moy comme ni exemple bi ni faral di joxe or buñ ko jëlé dañ ko duggal ci tal bi deng nga def ak kiko wa ba bu genné mu dadi rafet bo tawakkal mel na mo ramel bi senti yek de ki non la tamit yoonu yalla non la mel sa dik dafa andak ay natou da andak ay problème da andak ay xat da andak ay choono dafa andak ay manam dafa andak presque manam xetu problème yep la andal te benen affaire la moy ñooñu nga xamantene nak legui ñom la yalla gëna sopp ci minde fi ñom lu mu seen nat da len di dal tout temps sans su nek biñu juk ci nat tout temps amuñu repi mais malgré lolu ñom ñoy ñi gëna bëcc ci aduna manam ñom ñoy ñi gëna heureux ñoy ñoy ñi gëna chance aussi ci aduna wala manam malgré lolu ñom ñoy ñi gëna manam nat bi da len di dal mais day melni comme si ben brise ngelaw rek ñeu romb leen en fait du leen dal bu leen dalé aussi ci biti rek lay dal mais sen intérieur mbecté mo ci nek ndax leer mo ci nek sen intérieur sen bir ak manam ak banex mo ci nek ce qui fait que manam même propre bu natto bi lu mu metti ci biti manam c'est comme ben brise rek bu len rombu en fait c'est comme ben brise rek bu len rombu voilà lolu bok na ci wa ahlu diwan bok na ci sen ci sen ci sen ngeenel ci sen njariñ manam ci aduna bi voilà et que borom subhanahu wa ta'ala aduna bi yeb manam day dawe ci sen ci ñoom aussi lolu bon ñooñu groupe bo gisoon nañu ci jotaay bi wessu nak gisoon nañu groupe bi nga xamantene ñoom ñoo leen fété kaw tuti manam ñoom amnañu xamantene dañu genn ci seen lo ñoom manam ñoom ñoo leen fété kaw moy groupe afraad yu makki moy mafatih yi nga xamantene moy mafatihul kunuzi moy wa ahlul itlaqi ñooñu ñoom ils sont au dessus ñoom ñoo gëna fété kaw moy ahlul mahabbati voilà ñoom ñoo gëna fété kaw parce que en fait groupe afraad yoy moy wa ahlul maqamul qurba ñom ñoo yor maqama ñi jégué yalla deug voilà buñ doon joxe exemple fi ni wallahi masala dañ joxe exemple palais bi c'est-à-dire que ñoo ñoom ñoo nek ci palais de la république c'est-à-dire que ñom palais bi fa la deug palais bour bi moy yalla fa la nek wof moy sen siège buñ fa jogé et que dañoo jégué hein sen borom voilà amuñu ay responsabilité ci biti comme wa ahlu diwan ñom comme genre assemblée bi lañu comme assemblée nationale ce qui fait que loi yi daw ci réew mi ñom ñokoy voter mais ñi nek ci palais bi nga xamantene ñom ño nek voilà comme tay Élysée ñu jox exemple ñi nek Élysée nga xamantene ñom ñoy les proches du président man ñoko jégué deug ci ñoñu ñom amuñu manam ci cadre ki lay wax waxuma cadre politique bi cadre ma ngi ci cadre bi batay yi yep ay exemple ki la tour yi ma joxe ni c'est pour nga am voilà c'est à dire que ñoñu nek fofu nonu ci palais bi ñom amuñu rôle bu précis buñu len di jox ci réew mi d'ailleurs wa réew mi xamuñu len wa réew mi ñi lañ xam député yi ñom député lañ xam c'est à dire que tay wa ahlu diwan ak yoy ñom mën nañ len xam facilement wala mën nañ len approcher wala mën nañ nek ay nit bon pas facilement parce que duñu len xamé mais lima ci djublu won mom moy mën nañu xam seen rôle ni ñi li moy seen rôle abdali li lañu def wala aqtab qutbu li lañu liggé nu jabaawu li lañu nekké nu qabaawu ni lañu mel et cetera voilà donc ñoonu mën nañ ko xam mais ñi nga xamantene ñom ñoy wa ahlul mahabbati ñoo ahlul itlaq maqamul qurba voilà ñi nek ci maqamul qurba bob manam nga xamne dañ jégué seen borom subhanahu wa ta'ala deug manam nek ci palais bi ñoonu amuñu rôle bu précis voilà amul rôle ci seen aduna bi amuñ ci benn rôle ñom liñ am dal moy jégué nañ bour bi voilà ñom proche président lañ palais fofu lañ logé duñ fa jogué parce que président de l'une bëgg ba nga xamantene bëggul ñu foré ko manam du len délégué fenn bëggul ñu soré ko ci wétam rek lañu né tout temps ci wétam lañu né et que da len di jox da len wutal comme que ñom joxu len bénn responsabilité précise c'est-à-dire que duñ ay ministre duñ ay député duñ ay ki bon xam nga député yi de temps en temps rek lañu gis président du tout temps lay dem assemblée nationale alors que ñom mënu ñu non ñom tout temps ñi ngi ak président ñom lool mo leen wutale ak wa ahlu diwan et que donc tout le temps ñom président donc comme ko joxu leen ben rôle bu précis daf leen wutal ben caisse noire bo xamantene tout le temps ci lañ mom lañ moy sen salaire en fait amul fu mu yam am alors que député bi il faut ñu voter loi wone ni kat ñom salaire bi lañ am voilà lool ñi lool mo leen wutale et que ñom donc ci sen caisse noire gogou lañu yor ñom dañu am dañuy yor sirru hada ata'una famnun aw amsik bi ghayr hisab suñu mayango joxel comme limu waxe ci Allah Sulayman alayhi salam sunu may ngox hein joxel xewul ca wala bok nga tii lula neex sans regle sans mu am compte nek del joxe rek del dépenser rek del maye del def lula neex amul amuñu restriction ci dara lolo tax voilà donc ñom aussi ci sen bir groupe bi ñom ñepp tamit tolo wuñu kenn ku ci nekk ak borom bi subhanahu wa ta'ala limu nam ci yow li nga xamantene mom la def ci yow ci ay particularité ñen ni daf leena jox rek li nga xamne mom lañu tuddé al-qullat manam ak xofel ak man ak xarito comme nimu joxon ma ibrahim alayhi assalam nga xamne mom la japp won xarita wa ñom loolu la leen defal ñeneen ñi ci dess nak daf leena jox li nga xamantene mom moy al-mahabbat moy xofel gu tar gi nga xamantene mom moy comme limu joxon yentibi sallallahu alayhi wasallam ñooñu nak ñoy ñi gëna kay ñooñu nak ñom ñoy deug deug ahlul islah yi ñom ñoy mafatihul kunuz magi parce que sino amna kenn ku leen fete kaw ñun ñepp plafoné leen koku mom moy khatamul awliya moy nga xamne mom mo tecc mbolam wala wi maulana sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu voilà kon ñom ci seen bir manam bo xolé dañu am aussi processus manam ñom tamit xeyuñu xey rek ndax comme niñu wax ndax xeyuñu xey soti voilà du ne rek dañu jek jek rek ñu ne wa waji moddu juddu la tay ñu la wa ñu ne mom de legi ci ahlul mahabbat la bok wala ahlul islah la bok mbir mi demé wut non c'est à dire que cheminement la et que cheminement spirituel la bo xamantene nit ki daf ko wara parce que ci jotay bi wessu dañu wax ci ñom sen caractéristique manam wala ci caractéristique mais tay avant ñu continuer inshallah bu ñu ko comme temps bi maye dañu wax ci sen manam ci lern ci sen cheminement ci sen processus pour accéder ci quand même ci lool parce que du manam xeyul xey rek ndar xeyul xey soti manam nit ki tay du juddu tay parce que rek ñu né waji légui ci wa ahlul itlaq la bok mbir mi demul non wala muy nelaw ñu yéxo niko tok jogal légui ahlul itlaq nga bok affaire demul non dafa am yoon bo xamantene mom lañu tan c'est à dire que yoon bi ñu tan moy moy al ubudiyyatul mahda manam moy dañu nango nek jaamu yalla mais bu raxul dara ay jaamu yalla lañ mais raxul dara c'est à dire que ñom duñu ay jaamu aduna parce que amna ño xamantene aduna la ni jaamu c'est à dire que ci seen bir jaamu yalla bi ñi def tamit aduna la ci jaamu c'est à dire que dañ nan par exemple ah mbir sangam day bo ci nekké bañu xam la ci dana la waral poste yi dila yomb dana waral nangam dila yomb dana waral nangam comme li nga xam tane non lañ ko xamé wala bok ñuy nekk ño xamantene dañuy manam dañ ci wutale ben reconnaissance sociale yoy yep aduna nga jamm wala bok mu am ci ño xamantene dañ ci wut ay xéeti manam du sikar yenn sikaré parce que dañ xamné lolu boko day def day lay jox xaliss wala day tax nga am manam say aajo sangam day fajj wala day tax nga mëna ci yoy nonu donc yoy yep aduna ngay jamm en réalité mais borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak ngeneelam gu mag mom motax mu lay nangul parce que normalement ku mel nonu kuy def lolu koku dañ ko wara dakk manam koku li nga xamne mom moy mérite li bimu am moy kuñu dakké ci pey yalla bi sorin ko lol bañ ko nangul dara effectivement dinañ ko dakk ci pey yalla bi dinañ ko sorin buntu yalla lu mu gën di sax ci bobu xal yalla diko gëna tejeul buntam di gëna verrouiller buntu bi contre mom lolu mom amna mais borom subhanahu wa ta'ala ci yermandem nak duko xañ objectifam comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa manam jëf yëpp ci yene la aju te kenn ku ci nek li nga yene mom lañ lay dox donc ce qui fait que nit ki soudé borom bi nak subhanahu wa ta'ala dafa am ben système intégré bu mu mettre en place ci aduna bi ci univers de telle sorte que so de def ben ben mbir bo xamantene dang ko def niko sharia beugé ning ko diglé wala bok mi nga xamantene non la ko règle bi laaje ba nga def ko paré même bouré sa intention moy lo xamantene profi wu aduna la dafa am ben système bo xamantene day déclencher wu système bobu déclencher wu nak mom moy tax ba affaire bi di mëna am manam di sorti motax par exemple bo bindé ben affaire ñu né li nangam boko bindé xoj ko nan ko nangam da ngay gis bo démé nit ñi da ngay bëgg nga da dafa def ñu gis affaire bi di dox nga dem nit ñi bëgg la wala bok nangam kat soko sikaré boko kiwé de nga day tax xaaliss yomb nga diko def sikar ko xaaliss ñum té pourtant normalement lolu jaamu yalla rek lañ ko woron défé mais dang ko def pourtant affaire bi day am parce que lan parce que borom subhanahu wa ta'ala dafa mettre en place ben système bo xamantene non lay waxe nga xamantene lepp comme aduna bi yépp univers bi yépp en fait du dalal un ensemble ci ay tour yalla ak ay melo yo xamantene ñom ñoy daw lolu mom motax so yëngale tour yoy nonu ça veut dire que système bi day daal yëngatu système bi day daal yëngatu daal di dox exactement comme li nga xamantene non la procédure bi wara amé mais koku leg leg sax mu diko def di ci am banex di gis ne mi ngi def nangam affaire ba ngi indi resultat wala lolou mom motax ngeen gis nit bind alquran ni hein pour ne diw de wala mu dof mu dal koy def waji be dof yoyep dañ koy def mais koku lolou cela wala mu ci car ben affaire tuddu ci ne nangam boko ci carré duggal ci touru diw nangam da koy dal wala yu mel non nga xam nga affaire amna mais dou ñu def ko affaire bi dox affaire bi marché mais lool malgré que mu am loolu tektelewul en aucun cas ben niveau spirituel ki ko def tektelewul lool parce que borom subhanahu wa ta'ala mo mettre en place un système bo xam tane lool lay def comme ni nga xam tane bo jëlé paka dem ko ci biiru nit bu fekente na mbir mi situation normal la paka bu ñaw boko jamé ak ben force bu précise nga duggal ko ci biiru nit ki biir bi day beut te bu beuté mën na fa jaré dé wala nga jam ko ci xol bi mën na dé wa lolu mais lolu parce que lolu luy dox la mo tax tamit même système bobu bi borom subhanahu wa ta'ala mettre en place ci univers bi yépp mom mo waral tay par exemple tay bu may ñaanal kenn par exemple bu ma bëggé ñaanal Modou Ndiaye damay taxaw rek daal di tuddu turam daal di wax yalla dox ko nangam ak nangam ñaan bu nango rek da ngay gis système bobu yépp déclencher wu système bi déclenché te man pourtant gisuma Modou Ndiaye degguma ko jakarlouma ak mom degguma dara mais tourum rek la tuddu ñam bi affaire bi yépp système aduna bi yépp déclenché wu pour dem ci lool et que limoko ñaanal mu dal ko c'est que borom subhanahu wa ta'ala mom mo doxale nonu aduna mom moko construire non construction la bo xamantene bu yéme la bu jéggi dayo bo xamantene mom moko defé non maintenant comme ki nga xamantene da fay jaamu yalla ngir né da fa bëgg su wa ndax bu soté nangam ma am nangam lo xamni fi aduna la yalla mën nako bañ xañ résultat bobu mais lolu yërmëndem ak mbaxam gu jéggi dayo mo waral lolu mo waral yalla dim def non mais sinon limu yello mom moy ñu dakk ko ba pare ñu tek ko ci ay punition parce que lo xamantene la dañ ko wara def ngir yalla mu diko def ngir aduna voilà koku bokale la shirkul aghrab la tuddu moy bokale yi nga xamantene bokale objectif yi ak nam nambe mais koku nak dina am benen punition bu gëna tat bu gëna metti moy lan moy yalla dakoy dakk ci pim c'est à dire que dakoy soril bopom dakoy day tej bopom wëlluf ko c'est à dire que buntum yépp dakoy tej contre mom koku du yegg ci yalla koku du mënu yegg ci yalla ndax lool wala dakoy tej contre mom même bu ko def du ci am resultat sax lolu motax ñu bari di nax seen bop di woru fofu nga am ne buñu jappé yenn ki rek moy voilà rek di yëngal dara ni wala ñu sikkat dara affaire yi ñi gis resultat bi ci aduna ni ci biti rek ñu japp ne ñom sekk dañu jégué yalla motax xam nga limay sikkar motax wala yoy nangam alors que en réalité ñu comprendre ruñu ne luñu gën di nekk ci lolu ñuy gëna sori yalla et que kiray bi manam voile yi nga xamne ñoo dox digënté seen digënté ak seen borom day gëna tar day gëna épaissir siru lutax muy gëna tar muy ko tax muy gëna épaissir parce que en fait dañuy gëna nax seen bop dañuy gëna woru ci ni mbir mi di doxé ndax lan ndax loolu da leen di soral ñuy jaamu yalla ngir yalla ay kessé légui ñoon ñom ñoy ñi nga xamantene jaamu yalla gi ci walu aduna lañ ko jëmele amna ñeneen ño xamantene bu ñuy jaamu yalla dañ koy def manam ci walu ngir al-akhirah c'est-à-dire que dañuy dégg aljana ak namu nexé ak safara ak namu metté ak dégg manam yi nga xamantene ñom ñoy xéewal yi nga xamne ñom ñoko nek ak par exemple tabax yu rafet ya fa am ak ñam yu nexé ak wurul ayni ak masara ndox yu nexi et cetera ñu daal di commencé nek dadi commencé nak di sikat di julli di wor di def lu ngir dugg ci ñooñu ñooñu am nañu voile mais sen voile dafa gëna sew dafa gëna touti par rapport ak ku ci ki nga xamantene mom la tuddo legi ñooñu batay sen voile voile lëndëm la batay batay du voile leer am nañu voile mais voile lëndëm la batay mais koku nonu amna mais mo tane que le moko gën sax tay lañu wax voilà c'est à dire que mom leg leg amma gi manam masse populaire bi ñom fofu lañu mëna yam sen niveau fofu la yam lool mom motax masse populaire du ñek ay walu ñi lool mom motax parce que ñom mënuñu concevoir dara loolul ne il faut ma def li pour mu mën ci pour mu mën ci am ay tiyaba ñom manam non lañuy mëna raisonner. C'est normal parce que niveau spirituel bi mo élevé wu c'est normal ko kenn duko sax ngagne en fait ko ku mel non sax dang koy bayyi ci nonu mu mel nga deugereul ko ci ba kéram muy am niveau spirituel bu meuna comprendre niveau yi gëna tawé mais lolu day tax ba tamit du meuna jégué yalla ndax day dox digëntim ak borom subhanahu wa ta'ala. Et que li ko yalla di nangul même bu nekké aljana kokku non même bu duggé aljana lam fay am kenn ci ñi nga xamantene ñom dañuy jaamu yalla ngir yalla kessé moy a'udhu billahi ñooñu non moy ñi nandité ñooñu buñu amé ben tiers bir aljana lañ fay am ci ay xéetu xéewul mo upp doolé manam jooni yoon manam ñom ñi lañ am ci seen biiru lañ sax aduna pour l'éternité ci aljana bok wala liñuy sax aljana pour l'éternité kenn ki nga xamne mom da doon jaamu yalla ngir yalla kessé bu ko yalla duggalé aljana loolu la ci am té ñé bo gisé ñu duggal leen aljana ci barké ñi la manam barké ñi nga xamantene ñom dañuy yalla jaamu yalla ngir yalla kessé manam borom subhanahu wa ta'ala daf ne la nga jaamu ma dama la bind pour nga jaamu ma ngir man mais waxul pour mu bind la pour nga jaamu ma ngir après yow mu nekk sa intérêt bu lool manam waxul ne demal nga topoto sa intérêt bop parce que en fait lool la ki nga xamantene allah rek lay wut manam nan lay def bu muccu sawara numuy def ba dem aljana nan lay def bu affaire yi neex fofu nan la manam koku batay jaamu gul yalla manam ay intérêt rek la nek di jaamu lool batay mo di mais lool am gi munu ko comprendre en fait awam gi manam am gi moy la masse populaire lu comme la ñu munu comprendre affaire bop lool mo motax ñom tout temps da ngayen di bayyi ci façon bi ñuy raisonner aussi ah oui damay def bi parce que daf lay permettre nga am ay hasanat yu baax daf lay damay def parce que day ki day dina boko defé dañ lay tabaxal nangami keur aljana li boko kuwe mais nga bayyi len ci lool pourquoi parce que ñom mënuñu am en fait amuñu compréhension bi len di may ñu mëna dem ci benen niveau bi gëna tawé nga xamné da nga nan len defal abstraction ci loolu yëpp té nga jaamu yalla ngir mom né moy yalla dañ ko wara jaamu wala hein loolu amna manam ki xamné tamit day jaamu yalla ngir yalla kessé ñoñu ñoy yegg ci yalla mais amna tamit ñeneen ño xamné tane ñom dañuy jaamu yalla ngir sopp giñ ko sopp rek moy wa ahlul mahabbati manam dañ koy jaamu ngir sopp giñ ko sopp kessé wala ngir bëgg giñ ko bëgg manam wala et que mais lolu pour mu mëna nek il faut que borom bi subhanahu wa ta'ala feñu la manam manifesté wu ci taram manam lepp luy tax nga mën ko sopp parce que sinon do ko man lolu kenn man ko lolu am mais lolu su amé dañuy gis nak aduna bi yépp dans son ensemble day nek ay manam mbir yo xamantene dang ci meuna contempler borom bi subhanahu wa ta'ala manam khalatu mushahada bobu day am et que tout temps yow yaangi nek ci jaamu yalla mbolam li yalla di diglé ci walu sharia bi dang ci taxaw ci kim katal def ci li nga meun lepp mbolam limi téré dang koy sori day ak sori mbolam li nga xamantene sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dang koy samontel diko jema doxal di ci jema taxaw ni nga xamantene mom moy nim ko diglé sallallahu alayhi wasallam ak nim ko don doxal lat ngir lan ngir ne rek manam ngir da nga bok ci wa ahlu maqama afala akun abdu shakuran lu yent bi waxon sallallahu alayhi wasallam lan mo téré ma nek jamm bi nga xamantene damay sax di sante di gëreum rek sama borom subhanahu wa ta'ala maintenant xal bobu nak li nga xamantene mo ci ndik moy lan moy da nga fo nga purifier sa xol fo nga laabal ko fo nga gemmi ci yépp yo xamantene ay tak tak la parce que lolu suluk la ak soobu la maintenant soobu gi dafa am ñaar xam nga motax tariqa bi masala yoon bi nga xamantene mom la ci nit ñi di jël ay niveau la dafa am ño xamantene mom muhibuna rek lañ ñom dañu sopp ko te ñom tamit ñaari niveau la ni sopp ñaar la dafa am ñi nga xamantene ñom boole muñ seen bokku ci talib cheikh matidiane radiyallahu mais sopp lañ cheikh matidiane la dal parce que waluyu la nangul nañ ko té japp nañ ni limi wax yu ko deugul ba pare may nañu jamm wa tariqa ñoñu ben groupe lañ xey yi ñi wax ci tariqa bi garantie yi ñoo dañ ci adam ci bok manam ci yenn yi yenn garantie mu am ñi nga xamantene ci seen biir ñoom dañ ne dañ ci yok leneen manam moy dañu identifier wu comme état ay tidiane ay talibé cheikh matidiane radhiyallahu malgré que jëluñu tariqa bi voilà sympathisant voilà moy sympathisant mais ñoñu batay ñoñu dañ leen di bolé ci tidiane yi dañ nar waji ab tidiane la manam mutaalliqun ci bi sheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ak muntasabuna ilayhi manam ñoñu dañu aju ci cheikh tidiane radhiyallahu ba pare askano ci mom ñoñu benen groupe la mu am benen groupe bi nga xamantene ñom lañu tuddé al akhiruna manam moy ñi nga xamantene dañu japp tariqa dañu jël wër moy membre mais membre bobu nak simple membre bobu nga xamne da nga jël wër amna ay ngeenel yu bari ci add mais ngeenel yoyep taxul won ñuy jël wër manam mais doraul koku tamit ben niveau la mo mais ñonu amna benen groupe nak moy ñi nga xamantene nak ñom salikuna lañ ñom nak dañu soobu ci tariqa bi manam ñom japp ñu tariqa bi rek japp ñu wër rek yam ci mais dañu soobu ci tariqa bi c'est-à-dire mbolam lu idéologie wu tariqa bi ak façon doxalin bi manam moy manam li tax tariqa bi ñu nal ko tariqatul hamd wal shukr tariqatul mahabbati wash shukr wala lutax ñukoy wax manam tariqa bi tariqa ciofel beugël la moy moteur bi koy dawal ak di gëreum yalla fo tollu diko sante ci sa mbolam doxalin yi sa biir ak sa biti lolu mom moy lolu nak ñom lolu luñu soobu manam cheminement bobu ci lañu soobu ñom ñu deug deug nak ñoy wa tariqa wala soor da ngay mel non wala bo nga nek ko xamantene dañ la jazz dañ la jass ni manam yow jeul nga wir ni mais dañ le manam yow soobuuro pour meuna am yenn niveau yi wala pour meuna yegg fenn fo wala yoy mais dañ le bijji dañ le attirer moy attraction wala attraction la dañ la japp ni xecc la yekiti la ci yenn place ci yenn maqame yi wala dañ la yekiti ci yenn maqame yi donc lolu mom moy jazz legui nak ki nga xamanteni mo soobu mais comme majzoub bari wuñu parce que fim tolu kuy xaar ñu jazz bu la comme ñom bari wuñu en réalité kep ku jël tariqa bi kep ku bok ci tariqa bi ci mahbub bu na yoy nga bok manam ñi nga xamne dañ leena sopp rek ci muraduna yoy nga bok xam dañ leena nam manam dañuy wax al murid tidiane manam murid talib tidiane bi dañ koy wax de manière générale mais en réalité murad la lool moy vérité bi moy ne kuñu nam nga kuñu bëgg nga kuñu xëc nga kuñu indi nga kuñu wo nga kuñu jël si nga kuñu yëkiti nga ba nga ñew tek ba nga bok ci fi mais en réalité lool moy li xew mais dañuy wax na talib la manam murid la dafa bëgg nam ñew am volonté yex ci am détermination résolution bëgg ñu yex ci mais groupe bobu nga xamanteni dañu soobu kon manam ñooñu il faut que manam tariqa bi deug so ci bëgge jarri il faut nga soobu manam jël wirde bi ki yoy yeb baxna mais lutax ku soobu wul du bok deug ci wa tariqa bi manam pa bokul ci wa tariqa bi mais manam akhis lañ koy jappé manam dafa jël rek amna nak ngeene yi ñi wax ci tariqa bi nan ku japp tariqa bi nangam ku japp tariqa bi nangam ku japp yoy diñ ko am dang ko am mais dafa am lu lay manké moy la tax tariqa bi deug mu jox moy lan moy nga bok ci wa yalla ci gaay yalla yi manam nga bañe bok ci gaay aduna do bok ci gaay al-akhirah mais do gaay yalla ngay bok wala ci gaay yalla ngay bok do nek kon ci ahlul dunya do bok ci ahlul akhirah ba pare attention do bok ci ahlul maqamati tamit borom maqamay dedet ahlullah te ñom ñoy ñan ñan ñoy ahlullah ahlul mahabbati ahlullah yallah wala ñoy ñoy ahlullah ñoy nit yalla manam ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy wa yalla manam ñom ci seen bok ñoo bok keur yalla wala moy ñi nga xamantene kon ñoñu moy ñi nga xamne ñom la yalla tan bel leen ci bir nit ñi tan leen ci bir tanef yu mag yi ñoñu ñom ñoy ñi nga xamantene biñuy cheminer dañoo soobu ci ideologie deug tariqa bi et que par lolu ci ngay mëna amé ci ngay mëna jaaré nek ci bok ci ñoom manam du rek ni ku dul tidiane mëno ko mëno ci bok lolu tekki wul lolu parce que amna ño xamné bu ñoy tidiane té bok nañ ci groupe bok wa am lu déclaré mais en fait ci bir ni tariqa bi doxé ku bëgg bok ci wa ahlul itlaq ci wa ahlul mahabbat ñoon moy mafatihul kunuz yoy afrad yu kawé yoy il faut que nga soobu wala xana ñu jass bu la te buñ la jass bo tamit fokk ngay soobu wala en même temps c'est-à-dire que soobu gi kon da ngay soobu soobu gi nak limu consisté moy d'abord nga wiral sa mbeugël ak sa tiofel gu sax wër té deug ci yalla yenté bi sallallahu alayhi wasallam sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu mais mu deug vraiment mu deug sincère mu nek nga nek ko xamantene sa bir ak sa bit yep day fess mbeugël gogou ba nga xamantene yow en fait gis nga manam da ngay bëm ba da ngay gëlum ci bir mbeugël gogou manam tout temps ci lool ngay nek sa dem ak sa bit yep ci lool lay nek ci mbeugël gogou lay nek mom ngay waxe mom ngay defe mom ngay doxale sa jikko yi ñono lay mel say wax waxu ñono lay mel say doxalin doxalinu ñono lay mel te ñom ñeñ moy li yent bi melo sallallahu alaihi wasallam moy ni yent bi melo sallallahu alaihi wasallam moy ni sahaba yi melo radiyallahu anhu motax sahaba yi radiyallahu anhu ñom ñoo melo non ñoo incarné won haqiqatan maqama bobu maqama yoy ñom ñoko incarné won de manière totale et parfaite voilà motax do len gis motax sahaba yi amuñu won leneen luddul yalla yent bi sallallahu alaihi wasallam seen lepp jaralon manam amul lum len jaralul won ci lool rek lañ nekkon ci lañ dan xey ci lañ dan gor seen mbolam yëngatu yi seen mbolam dali ci lool la yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà sharia bi lañ samonté lool samonté ak mom def samonté teeku teewin bu deugur bu mat seuk nonu lañu non lañ doon doxale te nonu tamit moy yoon bi de telle sorte que do xol ndax mbir yi lan moy farata ci li ngay def ak lan mo ci han sunna manam sunna bi fiqh fuqaha yi di wax sunna manam ngeene dede ni la yentibi sallallahu alayhi wasallam dan doxale non lay doxal li la yentibi beggol lol lay beug ni la yentibi sallallahu alayhi wasallam mebeete mbir yi non la koy def wala yentibi sallallahu alayhi wasallam jikko li la won ma jël jikko yi melo non surtout yi nga xamantene ay jikko yi xol la lu deme ne ke ak tawadu moy humilité moy wacc sa bop modestie mu bañ nek fausse modestie mais mu nek vraie modestie humilité voilà dans son vrai sens du terme voilà dans son vrai sens du terme hein la vraie modestie voilà voilà mon moy lan moy nga baña considérer sa bop loolul ne jaamu yalla nga et que do gis seul sa bop ben ngeenel te do jappal sa bop ben ngeenel te do wote ben ngeenel wala ben particularité ci bir nitu yalla yu maki waxuma ak ci bir mass populaire bi aussi do len manam do len manam do yikiti sa bop ci kaw kenn da ngay jappé sa bop comme kenn ci bir jaamu yalla e que yalla jaam bu mu am amna lu mu def ci mom jaam bu mu am amna ngeene lu mu def ci mom jaam bu mu am amna fu mu jaar ak mom fu particulier jaam bu mu am lool la doxal mom yalla bu fekkuntu nu won limu bëgg jaam yi limu len sop bu jigi day du len bind waxuma la mu len di def nit yalla ku mu sop bëgg la deug du lo sax bind parce que bu la bindé rek moy amna préoccupation bu mu am ci yow moy yakina gog moy préoccupation manam nga yittel ko ba tax mu guéné la ci inexistence ñak am indi la ci existence ba paré continue di topoto sey mbir di la jappalé di la défar di la yikiti di la yar di la magal di la et cetera di la dundal di la di yexé di def ngelaw di yexé ci yow et cetera ak yenen ak yenen ak yenen manam mu bañ la sétan lolou kumu bëggul du ko défal lolou kon bëgg gu met gu tar gi nga xamantene mom lañu bëgg motax ginnaw ba nak yalla mom moy ki nga xamantene mom nga bëgg kon kumu bëgg dang koy lan koy bëgg kon minif yépp non manam lolou il faut que nga am ki bobu état d'esprit bobu que par lolou ci ngay amé modestie bu mat bi bu normal bi que par lolou voilà et que ngeneel li nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala defal han tamit nga diko reconnaître lolou mom motax il faut faire aussi une différence manam ak équilibré entre ngeneel gi ak entre modestie bi moy tawadu bi ak lu ñu wax ashukur moy reconnaissance manam ngeureum bi faut nga am équilibre bok ñu bari nak mënu ñu équilibrer lool amna ñoo xamantene tawadu rek lan man manam wati seen bop rek lan man ci ba tax duñu sante li leen yalla defal ci ay xéeti ngeenel am ñoo xamantene sante yalla ci ngeenel yi lañ man ba tax da leen di dépasser ba nga xamantene legi tawadu ngi do tuñu ko mëna manam do tuñu mënu mo dess mais il faut que nga équilibrer ko c'est à dire que tout en état modeste manam nga wati sa bop mais aussi ngay sante yalla tam ci vraiment limu defal parce que lu ruy la lu magra le simple fait que mu def la nit rek déjà mu ruy déjà le fait que mu bind la rek déjà lu ruy la ginnaw bu mu def la nit et cetera ginnaw bu mu def la julit et cetera ak yi ci teggu yeb yekiti gi mu lay yekiti nga xamantene manam yoy il faut ni reconnaître ngay sante yalla diko geureum ci xewal yi mu la defal te kenn ku ci nek bu xolé bopam dina gis ci bopam lo xamné dina xamné kat man sama jurni morom wala sama million morom ñi ngi bëgg melni man amé lu ko parce que lima yalla defal vraiment du neen aussi il faut reconnaissant par rapport ak yalla ci lool lool anef amma bi nga amati rabbika fa hadis sa xewul borom yi wax ko nga taw ya yalla kat vraiment ay yoon dama la banang alhamdullilah mais and ak lolu yeb il faut être modeste aussi et humble hein modeste mo wef wa wef voilà mais tek sa bop fo xamantene japp nga ni yow buñ la invité waro dem buñ la wowe ci place sangam yow lolu daf la wara jomb buñ la bo togi nit ñi manam fu tool dañ la wara jital tout le temps da yow manam fim tolo bo nekké fenn gaay dañu wara nopi jox la kaddu gi ngay wax bo ñu kiwé manam et cetera manam japp né dal fim tolo yow kula wo duggal la ci rrr jaaka rr4 nga daal ni def ba yeb kula manam et cetera voilà buñ la invité fenn mais ki ay bassang la am togal ci bassang yi bassang la am nga togal nga fonkol ko bassang am yi bu amé photo yi nga fonkol ko photo yi voilà min non la démé voilà nga fonkol ko bo mu xam bu xamné fonk ngoko voilà bu la Et les gens, ils ont certains pouvoirs, donc, ils ont attention. Voilà, non mais. Non, mais c'est que. Parce que si vous voyez ce que vous avez dit, vous avez dit. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que, vous pouvez le faire, vous pouvez le respecter, mais, loi, c'est loi. La. Règle règle la amul distinction ki dafa jadd yoon ñu def ko ñu jaarale ko fini jaarale ñu jadd yoon ñep ak ku mën dor yeenbi sallalahu alayhi wasallam ne fatima manam doomu muhammad sallalahu alayhi wasallam manam mom non la ko waxe fatima bint muhammad law anna fatima bint muhammad sarqat laqata fi yadaha mom no mom moko waxe non sallalahu alayhi wasallam sayyidat fatima doomu yeenbi allah muhammad sallalahu alayhi wasallam bu saccion sax ma daggu loxo bi voilà té mom mo gën ci jigéne aduna bi mais bu saccion ma daggu loxo bi ma jaarale ko fimay fini jaarale ku sacc bañ wara daggu loxo bi c'est la loi lolu dindi wul dara manam lolu sax dañ ko wara def rek ngir xamné ah yalla moko bëgg non lolu motax bu loi yalla yexé dang koy appliquer pas par vengeance pour fay wala par ñaw baxna ci doom gaay da ngay waru dañu doy war ne de pas dans ce sens mais dans le sens que ni ah yalla de moko beugé ni ma def ko et que li lu bax lay doon ci ñoom parce que bu baxul won ci ñoom yalla duma ko digal manam xéetu batay xéetu mbeugël bi dafa nekkat fofu voilà et que li makoy tek ni loi bi manam règlement bi manam même bu fekente ne kuñu wara geud la nga geud ko kuñu wara corriger la nga corriger ko même lolu sax mais il faut que nga am état d'esprit que ni dama koy def parce que manam dama ko bëgg motax parce que li mo koy jariñ té li ni sax peut-être que buma ko défé ba paré dina ci amé lo xamantene mo moy fété ko manam c'est pas parce que aussi benen affaire tam amna c'est pas parce que dafa sacc wala dafa ray nit wala dafa ndialo wala dafa nan sangara bagn tek ko sentence ke ni man mako geud teki wul lolé dedet def na lu jaadul lolou benn affaire la mais ngeenel ci yalla la nek def na affaire bu jaadul waaw li benn affaire la mais ngeenel mom ci yalla la nek parce que mbiri def ñoo lan umb réalité mbiri def ñoo umb peut-être que li mom moy tax comme li yentibi sallalahu alayhi wasallam waxon maris buñ ko rajmo man buñ ko lapider yentibi sallalahu alayhi wasallam tuub go xam tane buñ ko wé sédélé won wa medina ñom ñepp mu labal leen manam ñom ñepp dana waral seen bakkar dañ ko effacer dañ ñu yu ko ci aljana yi gëna ka ngir mom kess ñu té pourtant dañ ko sanni ay xéer ba mu genn aduna ndax la ngir sababu ne dafa jalo ba ñu tek xaddu ci kaw c'est à dire que lolu important la le fait que loi ñu diko tek ci kaw nit il faut pas que nga diko gisé comme étant ben xétu kuy fajj ak mer wala kuy wala barbari wala kuy dédé il faut que nga jappé ko mais nak lolu état d'esprit la c'est à dire que mais état d'esprit la buñu entraîné wu tam buñu entraîné wu il faut que nga dem ba nga mën ko incarner ça veut dire il faut nga entraîné wu nga mën ko incarner mais lolu voilà c'est à dire que c'est comme ce dom rek sa dom bu voilà bu défé lo xamantene da nga wara door loxo bi mu ngi ñew bo kiwé dara mu bëgg duggal tek loxo bi ci tal bi nga door loxo bi ni day joy après nga bay ko mu dem mais yow lolu nga def non devo ko parce que da ngay fat mer wala da nga bëgg wala ñew baxna ci mom wala yoy dedet da nga ko def parce que lu ko bëgg parce que bëggo mu tek loxo bi ci tal bi parce que bëggul lu koy gañ parce que bëggo ëlëk yow nga bañ fay nek mom mu gañ bopam lolu mom motax nga diko def lolu bu ko defé dina joy ki mais yow lolu dang ko def ngir lolu de sax après bu joyé buy joy tam nga nax ko ci moment bi muy joy nga nax ko tamit ne ko waaw baay ki dama bëggoon rek man mu nek mais lolu tamit il faut que nit minni yépp la ngay doxal ak ñom non sans exception toutes les créatures sans exception ngay doxal ak ñom non ñepp lol moy ñu wara tek ñu wara tek ay daan ñi nga xamantene waru ñu leen tek daan mo ya pas lieu pour nga leen tek dara parce que amul lu wara tax nga di leen tek dara voilà voilà donc lolou yeb ay xéet yi lolou ci xéet doxal ñu la bok kon watti sa bop wo beug gogou mais ak benen moy te bo ak am solo ak mag ak luy ki te moy dubbu la sincérité l'implication la résolution la détermination voilà yoy mom buñ amul mom c'est bon nga teul ne law quoi te xamné boko ci affaire yi bon voilà malheureusement ça c'est comme ça c'est la réalité c'est la triste réalité mais bon hein voilà quoi voilà dañ la ajourner non boko ci yoonu yalla mo mel non il faut que nga and ak sincérité détermination résolution voilà sans faille ah ku mel non bokku mom dañ koy ajourner mom bokku voilà il faut que hein lan xolal seigne hadi wax seigne hadi radi Allah mu ne bul tok ti bul yoti kuy wut yalla bo sawarul sax am ko worul te do roy cheikhou tidiane jeex mais buñ ne ñoxor jaay rek nga tok ti wofu affaire bon finalement c'est voilà c'est un peu compliqué tout ces voilà dafa metti dekk bi da ngay waru xam nga aduna bi legui ni xatul tout ça voilà lol moy ñoo dañ lay éliminer voilà il faut être très rigoureux très déterminé voilà résolu mais sincère sincérité nak moy lan moy li ci bir ak li ci biti mu ngou mu am conformité entre li ci bir ak li ci biti mu am conformité wala ba pare sa ngay wax ne yow ya ay wala ya mag wala yow ya am ben capacité motax manam il faut que nga genn ci yow bepp moyen il faut nga japp lepp ne ci yalla la djougué lool mo moy sincérité voilà donc il faut l'avoir cette sincérité là voilà lool mo moy yoon bi mom lool la voilà lol mom moy yoll il faut que tamit nga fexé ba lepp lo xamanteni ay xéetu jikko yu koy contrarier yoy nga dindiko manam lu demé nek ay mbagnal ay en en yi nga dindiko wa faut que yow sa conception des choses en ban ci bokati voilà sa conception des choses en ay xébaté yoy ban ci bok ay hein ay doye da laté ay touta laté hein yoy ban ci bok hein ah da nga xamné lepp lu nek ci aduna bi ci symbole yalla yi la bok té magal symbole yalla yi ci lan la bok ci ragal yalla la bok wa man yu'azzim sha'irallahi innaha min taqwal qulub kep ko xamanté da nga magal symbole yalla yi ndax yalla bindul lo xamanté dafa tuti yow ya ko japp né dafa tuti ya japp né li dafa doyé dafa tuti mais yalla mi ko bind mom japp na touti na te bu magge ci yalla moy lu magal wala bu magge ci yalla rek moy lu magal wala nga japp non bir bi il faut nga am instinct bobu il faut mu dem ba nek instinct yow wala et que ngay nek tout temps tam ci di tuddu yalla di zikat di soubu manam soubu parce que soubu kenn mënu ko tuddu sans tuddu zikat wa zikat a travers lu nek zikat voilà sa xol nga purifier ko nga défar ko ba nga xamantene yépp yi nga xamantene dañuy waral xol bi di wow nga moytandiku ko yi nga xamantene dañuy tax sa xol di noy nga jëm ci nek voilà comme message ma envoyé ci voilà mail demb voilà yi tax sa xol di noy nga jëm samonté yoy yi tax sa xol di wow nga jëm ko sori tout temps nga nek ci lool voilà amna tamit yenen mbir yo xamantene matna baye xel ci cheminement bobu manam pour ñew nek deug ci niveau bobu moy il faut nga nek ko xamné da ngay nek ci xal ci manam ci xalu mushahada manam moy contemplation ça dire que lo gis da nga wara jimu fexé ba apercevoir yalla à travers lool voilà manam da ngay apercevoir yalla à travers mbir mune voilà idéologie yi ñu doon wax moy tawhid nga xamné moy tawhidul arifin yi nga xamantene da nga ko wara xam japp ko yoyu bo xolé mom mo nek ci mom lañ développer ci taysir bi ak ci la kurudul haqaiqi yoy idéologie nak mom moy sobu manam incarner lolu mo tuddu sobu mais amna benen mbir bo xamantene obligatoire la sans lolu yoon bi mënul nek mëno sobu sans nga incarner moy al adab ñu wax al adabul mar'iyya teggini teggel moy règle de bienséance convenance politesse spirituelle bonne manière yépp mën nañ ko wax manam yépp limi tek moy teggel ensemble de choses la do xamanteni nit il faut mu incarner bu bëggé hein incarner lool Voilà. Yépp yoy tamit di jaamu yalla ngir yalla kessé bëgg yalla di xol tout temps motax nak loolu mëno ko def luddul nga xam lan la yéne bi sallalahu alayhi wasallam daan jàngalé ak daan doxalé ci saasu nek ci bir mu nek ci xaal bu nek ci situation bu nek ci circonstance bu nek nga xam ko nga diko jëmmat nga taxawal ko nga doxal ko ke ci situation bobu ci ngay mëna incarner technique de manière complète de manière parfaite sans lolu mëno incarner technique voilà sans lolu mëno incarner technique lolu mom motax ñooñu wa ahlul mahabbati ñom ay nit lañ ñoo xamantene yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam lañu incarner sahaba ay radiyallahu hum lañu incarner sahaba ay radiyallahu hum lañu incarner wala nek jaamu yalla kesse biso le sahaba ay radiyallahu ken du len tuddé ay waliyu sax ken sax du len wax ñu waliyu diw ab sahaba wali yu sayyidina abubakar ken ko dana sahabi jalil wala sahaba magi sayyidina abubakar radiyallahu andando giñu and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam tout temps amna nak nit ñu mel non nit ñi bu ñu yegge bu me bo bok ci ñoo ni dañuy nek ño xam tane yentibi sallallahu alayhi wasallam ñu am tout temps yentibi sallallahu alayhi wasallam lañu nek lañuy waxal lañuy defal lañuy tout temps lool mo motax du ñooñu non duñu sax yëngal sen baram donc duñ ko yëngal nunu le yentibi sallallahu alayhi wasallam mo len koy wax wala sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu wala lool mo motax il faut que tout temps djema incarner bi nga xamantene mom moy xal yoy non yombul nak yombul mais cheminement la te et puis cheminement la bo xamantene nit ki bu koy def mom kessé dedet lolou mu nek cheminement la bo xamantene dafa laj kul ko xamantene vraiment da koy xam mu dulé ci tété dina ci jappalé mais borom bi subhanahu wa ta'ala dafa def ben xiwul ak ngeenul ci tariqa bi bo xamantene bu ko daf ko def mu yombal cheminement bobu nga xam ci nit ki bu respecté tariqa bi manam fonku ko leer yi nga xamantene ñoom ñoy joggé ci awrad yi nga xam lañu wërdu lazim yi moy wërdu bi ak wazifa bi ak hadrat juma bi manam wërdu yoyu non zikar yoyu muy zikar ak respect bi mu ko manam lolu ak bu ko défé ak mi nga xam non lañ ko bëggé xal bob motax par exemple yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam day nekk ak mom sa su nekk lolu nit ki bu amé volonté il faut mu am volonté su amé volonté bobu non ngir cheminé ngir yalla kessé nek ci tout temps comme buy wazifa ak buy hadara day gis yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam day nekk mom khulafa rashid bu neuy dañu nekk mom sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu day nekk mom xal bob mu ñom dañ ko am tout temps aw xam nga tout temps ñi ngi and ak xal bob suñu wazifa nga gis sen leer yi day yok di yekiti ko di jolle di gën di bari di gën di dole ak lolu intérêt bu mag la ci wazifa ci mbolo yi ni ndax day tax tout temps leer bi nga xamantene mom mo ci nek day jolle di yekiti ko tout temps di yok di gën di bari tout temps et que hadara bi hadara juma bi mom mo koy canaliser stabiliser ko lolou mom motax kuy di hadara tout temps duko rafé leg mu nek arif billah lolou mom amul sax kay mu dem tiñu fo gisi nit kuy hadara tout temps musul tardé hadara dox len touti len ngi sou nek arif billah lool mom kok amul sax ay ki yu bari voilà da koy canaliser stabiliser ko tey ko saxal ko dat ko ci nit ki ci être nit ki ci essence nit ki la koy dat leer yoy et que nit ki comme da fay tok di jotaw ci rahmi tidiane radhiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ koy simil seen ay mbubu mom seen ay mbubu leer diko ko solo ni koy simu diko ko solo a au moment donné parce que en fait dafa am niveau bo xamné ñepp mën nañ ko cheminer même boudé yow kessé manam ci bir tariqa lañ wax manam boudé nek nga ci manam soxla wulo kenn dila assister particulièrement bo nekké ci sa wirdi wëjëba ki nga soobu incarné melo yi nek ci xam deug essence quintessence tariqa bi né dañ koy def bir yalla ñu kessé et cetera jeex na da ngay dem mais nak amna niveau bo xamné nak par contre fofu yeggé ah là il faut nga soxla ku japp sox par non amna niveau particulier ben seuy la bo xamné mom fofu yeggé mom seuy bob non là par contre di nga soxla ko xamanténe da lay téy di nga soxla dila tété nan la bir mi ni la li mo bax li ki wul mu lay leralal yenn xam xam yi dila leralal yenn yoni dila leral di ubbi sa beut ci yenn réalité yi di jigiti yenn voile yi ngay koy gis ngay commencer comprendre yenn réalité ak yoy li nak lolu su fekkante ne yalla dafa dimbali nga nek ak nit ko xamantene mom déjà mel na non mom da ngeen di and rek mu jappal la mais amna yeneen possibilité mom moy soit yeen tibi sallalahu alayhi wasallam ci bopom mom mo ñew ne la saay deng fi mu tollu nga place sangam instant bi ni soxla nga ko la jappale man ma sey nat man tamit ma sey serigne man ma lay jappale may tey sa loxo ñu jall yoon bi ben dank ba nga yegg ci mbeul lool moy ben possibilité benen possibilité moy cheikh moutidiane radhiyallahu anhu ñew jek rek cheikh moutidiane ñu tup radhiyallahu anhu la saway wa mu la man ma ngi lay jappale nañu def commencé la dila jangal yenn affaire yi di duggal sax dila xamal yenn yu bari dila wan yoon bi nan le ni wi la yenn yi nga xamantene dang ko sol yenn yiri leer yi nga xamne mom nga soxla sol dafa am ay tour yo xamantene ñom il faut nga xam leen pour mën leen sol tour yoy mu dévoiler la wala le am na tour bu tuddu ni la mel li moy réalité ci am sol nga sol ñu ne mëna la nañ dem donc lolu yëp ay étape la yoy étape la soit lolu day am amna benen possibilité mom moy mu bolé la manam kenn ko xamantene en fait yeralti bi sallalahu alayhi wasallam ci bopom wala sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu manam ben la bu ñewé ni ko mo sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu ben la parce que mom moy bafir bi yeralti bi sallalahu alayhi wasallam moy zahir mom moy ñew manam kenn ci ko xamantene yeenou sa sama ak cheikh tidiane radhiyallahu anhu dañoo incarner wu ci mom manam dañoo régénérer wu plutôt ci mom de telle sorte que mom mbugula ci ñom manam silhouette bi la silhouette le corps physique silhouette la bo xamantene l'esprit ruh bi koy dundal moy yeenante sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anhu am na ñu mel non kenn ci ñom nak moy ñew fekk la ci yoon bi ngay def bu japp sa loxo teyel ne la saay nañ dem yoon bi mi ngi ni mais koku mën na bok ci ñi dundu mën na bok ci ñi genn aduna mën na bok ci ñi nga xamantene dañ leen daan gis tous les jours mais xamoko won ci ñom mën na bok ci ño xamantene boko leen sax riim mais dal dañu jek rek mu teyel sa loxo ne la saay ñëlé am la lañ dem mais ku mel non doto am droit amati droit xolé ko beutu nit simple doto amati droit bi fop dang koy xolé comme si bu yeen tib sallallahu alayhi wasallam doon dund ngay dund ak mom bir madina dafa mëna war ala sakinah afdal salatu wassalam wala si rahmatu jani radhiyallahu obligé voilà mais ñooñu parfois dañuy tassaro en fait amnañu existé nañu souvent duñu dañuy neub dafa tang non bëru bi la voilà voilà voilà légui kon ñoñu non ñom non lañ mel amnañu ci dëkk yi amnañ ci réew yi presque dëkk bo dem dinañ fa am souvent mais duñu duñu dañuy neubatu en fait duñu dañuy neubatu moy liñ doon wax kérok rek mais do bu du mais duñu wax ne man ci ñooñu la bok duñ ko wax mais ba mu dess ci ko xamantene ci kanam ko xamne koku mom il faut que mo xamnañ ni ki ak deforom fof fof mu jaat voilà en fait jarum ngay nebutu ki parce que de toute façon nit ñi duñ la xam en fait nitu yalla yi non lañ mel nitu yalla yi non lañ mel de toute façon jarum ñuy nebutu mom la do wax na la li ma remarquer moy ndekete gaay walu yi man dama fogo ni dañuy nebutu fi metti mais après je me suis rendu compte que ni nebutu wuñu trop voilà nebutu wuñu trop en fait jarum ñuy nebutu parce que de toute façon nit ñi dañu xam tay buñu taxawon di wax ni man moy walu yu diw ni nangam wax ko ñepp deg ko gaay dañu duñ gis lool lu ma la xew duñu jarul na butu en fait da ngay naturel rek simple rek hein naturel la rek nit ñi duñ ko xam ba amna ci amene mbokk taal mi mo ne ba am sama serigne la sax kay mo ne wa man day fi mu toll mbaxana dal la bu gono wutal mais ce lolou su boko defé mais gaay dañuy may commencer xam dañuy may commencer ki man jar ko wudal sa baara diko def sa bobbi rawul gaay duñ ko xam gaay duñu jëli dara bayer ki ray sax lay gëna nek ci ñom day lool benen voile sax lay doon ak mbaxana mu ñaaw mi xawmu lu muy def ni ko xol mom bi lañuy door tay yu ba mbaxana ga lool lay def la mais effet bobu def du def benen effet bu yaakaane di la def benen effet fi garek parce que voile bi la manam kiray bi la man nit ñi ñoo mel non manam yalla loolu la bindé nit ñi kiray bi mu tek seen digënté ak nitum yi mom motax duñ leen xam voilà parce que ñom tout le temps zahir bi rek lañuy atté li ci biti té nit fi yalla liko def nit liko manam liko caractériser nekul ci bitim ci biram la né liko caractériser bitim ci biram la né voilà dans ce jaru voilà mais ala kulli halin liñ ci djublu won mom moy cheminement bobu cheminement la bo xamanteni il faut que mo am il faut que nit ki té tariqa bi dafa ñew pour lool pour nit ñi di am cheminement bobu spiritualité bobu gis nga li ñu gis ci tayfir bi ak ci kunuzul haqaiq bi yiñ ci gis nonu lool deug ak d'ailleurs sax yiñ ko ba légui mom lañu nekk di gis ni ya ci kunuzul ashara bi manam lool deug moy quintessence moy esprit wu tariqa bi il faut nga soobu ci bok ci deug nak wa tariqa sinon ku japp werd rek nga am na ngeene lu adu ci yow yi ñi wax naan da ngay téla dug aljana da ngay dekar ak yeneen tibisa sa bir aljana da ngay ki boy dé do sukurat da ngay dé walu ci ngam yalla yow ma xam do taxaw da ngay jëg sirat ci kaw la fi malaaka yi et cetera yu yeb am na ci dang koy am yu yeb dang koy am mais dina am loolu am moy li tax tariikh ni yow loolu nga dul am moy quintessence l'esprit même de la tariqa mom modou nek ci yow voilà mom ngay manquer la en fait ce qui fait que bo demé parce que comme niñ waxone manam ñooñu afrad yoyu arif billahi comme ay comme ay awam ci sen kanam manam comme ni simple nit ñi mel ci kanam arif billahi non lañ mel ci sen kanam ñoo Arbillah non lañu sen kanam man Arbillah bu taxawé ci kanam kenn ci afrad yi mi day dal di commencer comprendre automatiquement que ni manam temmu jappé bopum sax que ni mom ndekété ci awam yi la bok manam temmu commencer jappé bopum que ni mom ndekété man ma ngi do comprendre ndekété deum mo fi at voilà mais tarikha bi lool la esprit wu tarikha bi lool la état d'esprit bi fonctionnement bi et cetera lool manam moy nga nek ko xamantene sa dara du nek ci lenn loolul ci yalla yalla rek ngay nek ci yalla ngay xey ci ngay gont mom ngay soobu mom ngay wax soy wax ci yalla ngay wax toy def yalla mom manam yow amuto sa bop da nga sey complètement ci yalla ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam sayyid ahmad tijani radhiyallahu anhu da nga sey et que secret bi gëna mag bi gëna reuy bi nga xamantene mom moy bi nga yor moy wirdu lazim bi wirdu wazifa bi hadara bi nga fonk ko comme mi nga fonké loolul loolu ginnaw sa julli jurum mom moy secret bi gëna mag ci secret amul secret bu ko gëna mag buñ nan kay mo dox la benn secret bi gëna mag moy wirdu bi ñu la dox fim lu mëna yeggale lenen de lenen strictement lenen wala kenen man lu fa yegg voilà nga comprendre lool kon nga fonk ko tey ko bu baax amna ko xamantene man ñu xamna ko tout temps day gis cheikh matidia radiyallahu même buy waxtan ak nit sax bu nit ki waxe ba pare cheikh matidia radiyallahu mo nan ko tontu ko wala bul ko tontu wala tontu ko nangam lu muy def cheikh matidia mo ko wax radiyallahu même mo dafa ni liko yalla defal non surtout ci digeunte ak cheikh tidiane la gam en fait dafa ñëk gënte yeen debi sallalahu alayhi wasallam muné ko demal nga jël wir tidiane mu tok 40 jours wala luko jégué wala luko tuté yo xamantene deful dara ni mu gënta yeen debi sallalahu alayhi wasallam né ko hé dama la wax nga dañ jël wir tidiane mu jël wir de bi muy commencé wir de ni ay quelques jamono ni mu commencé du cheikh cheikh matidane radhiyallahu anhu mais mo ne gis ngeen man douma fi def lenn lu spécial lenn da la xamne mom dama koy def sumay wirdu mom damay tok ninu ko waxe ma jël sama ta concentré wu wirdu bu set wacc bu may wazifa sama xel ma genn ko ci lune nek ci concentré wu ci kesse wazifa sama wazifa bu bax hadar juma non man dal li lay def li dal lay def jeex li lay def li defuma fi lenen voilà avant d'aller du Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu tout temps mais le fait que mu serie ci nek ci voilà lolou lay def et puis tamit amna benen affaire bu mu wax tamit bu am solo mu ne duma dundé lu lewul mom ci alam duma ko la waaw té kok mo man nan xamna ko waaw lool rek la affaire bi lool c'est ça il faut être voilà il faut d'ailleurs sax nit ñi duñ ko sax fo hein nit ñi duñ ko fogué voilà bu xeyé day dem ci ligéyam tranquillement dox ay affaiream su paré nit bi kërëm nekk ci mom dal lool lay def deful fi lo xamné lu spécial lu nit ñi di ci wak yoy di choow ak yoy den mom la lay digal ak sama digël bi gëna sincère ci digël yi moy dama nan la sa temps libre bi nga am yépp jël ko nga labal ko ci salat fatih muy guddi muy beccé lo am rek nekkal ci salat fatih lepp lo xamantene nitu yalla am nako so saxé ci salat fatih dango fa guddé ak sa beccé gi bul ko wutal limbu précis nek ci rek tout waa tek ko nasil haqq bil haqq waa so sa fermé wala te du néwon nga même bédd bi même fi mais comme ci nga won ni c'est comme ça devait faire faire ou sans faire waa mais bou défé ben non wird la wird so sa fermé non non waxul né day enfermé wu ci wird mais dañ dé ci manam mom ci bopom day concentré wu ci wird bi mi wird ko wird ko normal wi wir da nga wir do normal bu toge ñi mbala do wosi fa gaay wosi fa mu fexé ba nek ci wosi fa bi jëma téwlu ba di nekk waaw concentré wu ci rek nekk mu ni xabara mu tok nekk 1 heure de temps mu tok rek concentré wu ci nekk ba 1 heure jeex jeex na du fi nekk di divagé wu nekk ci parce ñu fone mu xol ko ku nekk mu piss la ya min na ñu xandaay mu ne ni dede da ci ne rek waaw mo bare voilà comme les petits enfants parce que quand tu es dans une maison voilà voilà mo man mom defu mo lu lo xamne lu spécial li gaay yi def mais rek ni mo koy defé mom waaw dama ci nek voilà bu sét ak sét la ba bu sét sax la utiliser ké waaw sama wirdu bu sét mo wari fu wari fu bu sét waaw hein non dédé si affaire lol maintenant nak le fait que nit ñi en fait xam nga affaire bi dafa jégg mo la nit ñi dañuy formé non affaire waru nek lool kess non affaire bi waru nek lool quoi parce que nak kenn gaay yu mag yi li ñu am ni non lool joxulen ko quoi alors que lool la buñ ci nek légui ku wedd nga sax ku wedd rek essayer légui mo wax la buñ démé fi 40 jours di nga ñew ñuma ah la nga doon wax deug la dé fi 40 jours la lay wax ku wedd rek défa Voilà. Bonu ligue ni ah sa nek te wax nga deug yow man dama ko yix xap yoy ngay wax kenn ñepp ni la yoon bi mo wax ni la voilà di jema def lu juk li yalla bi bëgg nga jiko jema def tax limi bañ nga bay voilà bañu nek ci ndëngëti ak njubati voilà li dal moy yoon bi wa te wutulo ci dara lu ne yalla dal yalla dal nga bëgg mu contant yalla rek voilà voilà ñu ñam fo xam na inshallah wallahu ta'ala ala masallana ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين